J'ai envie de pisser sur la tour de Pise. J'ai envie de chier aux abords d'un chantier. J'ai envie de faire caca du haut des chutes du Niagara. Envie de couler un bronze au beau milieu du Bronx. J'ai envie de lâcher une Louise en plein cœur de la Louisiane. Envie de lâcher une caisse dans les rues de Los Angeles. J'ai envie de débourrer du côté de Hambourg. Envie d'emboucaner en descendant les marches de Cannes. J'ai envie de faire un colombin en survolant la Colombie et de lâcher des gaz en plein centre de Las Vegas. J'ai envie de faire une bouse façon andalouse et de péter dans un quartier de papettes. En mettre un grand coup dans les rues de Moscou. Lâcher un vent qui s'élève au firmament. J'aimerais être pris d'une chiasse en plein cœur du Chiapas et montrer mes selles aux habitants de Sarcelles. Faire la grosse commission dans le hall d'un magasin Champion. Répandre mes matières fécales sur la tête d'un contrôleur fiscal. Et enfin, je voudrais répandre mon odeur immonde aux quatre coins du monde. Ta-ta-ta-ta.